Oh non, pas de reggae. Thank you. Sébastien. escalier. C'est bon. j'ai compris. C'est un peu le bordel. Je suis pas carré, je suis... Et j'ai envie d'aller pisser. Et peut-être même aussi. Et je vais aller bouffer. Salut ou bien. J'aime bien ce morceau de piano. J'aime bien ou bien. Bien, j'aime bien ce qu'il fait. Un petit morceau. Une petite chanson. Avant que j'aille.